Stormab de Camille Coller. 34e épisode. Sujet tabou. Bon, c'est pas un scoop. Paul et moi, on a eu une éducation très différente. Moi, c'était pas guindé, mais mes parents, c'était pas mes copains. Je risquais pas de leur raconter mes histoires de cœur. Paul, par contre, c'était plus freestyle, genre on parle de tout, on fait des expériences, etc. Limite, je me demande s'il a pas fumé son premier joint avec sa mère. D'ailleurs, c'est un type hyper ouvert, hein, qui a pas de tabou. C'est ça qui m'a séduite tout de suite chez lui. Son petit côté rebelle, bad boy, pas conventionnel, ça me fait craquer. Mais c'est marrant, sur certains sujets, il bloque complètement. Donc voilà, tu vois, c'est à peu près tous les 28 jours. Ah, alors, vous discutez de quoi toutes les deux? On va faire un foot dehors? Ouais, attends deux secondes, Paul. Voilà, donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir, Clémentine. C'est une fois par mois. Bon, c'est parfois un peu douloureux, mais pas tant que ça. Hein. C'est pas... Ah, top, vous discutez prélèvement d'impôts. On peut participer, excellent. Non, c'est maman qui m'explique les règles. Bon, allez, moi, je vais faire un foot avec les garçons. Ouais, vas-y, je vous rejoins. Tu lui as expliqué quoi? Bon, ce que ça veut dire d'avoir ces règles, elle se pose des questions, on en parlait à l'école. Mais elle est un peu jeune, là, non? Bah, elle va avoir 10 ans, hein, c'est l'âge. Tu vois, je vais même faire un petit dessin pour qu'elle comprenne. Qu'est-ce que... Oh, mais Brigitte, mais c'est hyper cru. Mais vas-y, mollo, attends. Hey, je suis pas trop d'accord pour qu'on parle de sexualité comme ça, Clémentine. Mais hein. Tu parles pas sexualité, c'est de la biologie. A priori, elle a aussi un utérus, Clémentine. Chut, arrête, pourquoi tu hurles comme ça? Je hurle pas, quand on me pose une question, je réponds, c'est tout. Écoute, Dolto, elle a dit qu'avant d'aborder ce genre de questions, il faut d'abord demander aux enfants. Et toi, à ton avis, tu en penses quoi? Et après, tu les laisses venir. Oui, enfin là, on va pas non plus tourner autour du pot. Clémentine me demande de lui expliquer certaines choses. Bon, à la rigueur, moi, je préférais qu'on consulte un pédopsie d'abord, plutôt que de se lancer comme ça dans des schémas... Pédopsie. Pour expliquer le cycle menstruel. Non mais tu plaisantes, hein. Alors là, mais vas-y tout seul chez le psy. D'ailleurs, quand je t'entends dire ça, là, je me dis que ça te ferait pas de mal. Bah, c'est juste histoire d'employer les bons mots, tu vois. Non, je vois pas, non. Et quand tes fils vont te demander comment on met une capote à 14 ans, tu vas les emmener chez le pédopsie. Ouais, mais ça va, arrête de m'agresser, là. Puis en plus, t'as un langage, mais hyper, vulgaire. Une capote. Ah bah, bonjour la poésie. Enfin, Paul, t'as un problème ou quoi? Ouais, bah c'est bon. Moi, je vais faire un foot avec mes gosses. Ouais, non, ça va, c'est bon. Voilà, fin de la discussion. Oh, ça m'a scotché. C'est quand même incroyable d'être coincé à ce point sur ce sujet. Mais en fait, c'est d'en parler avec ses enfants qui est difficile. Moi, j'ai pas de sujet tabou. Mais bon, je comprends que ce soit pas toujours évident. Oh, la vache, t'as tapé une heure de bouchon pour aller déjeuner chez ton frère, là. Il fait hyper beau, on pourrait bu les peinards chez nous. Mais non, on a un roast beef haricot vert avec toute la famille. Oh, t'exagères, Paul, on les voit pas souvent. C'est l'anniversaire de ma mère, je vais faire un effort. Oh, les enfants, pouvez-vous calmer, on va finir par avoir un accident. Malade! C'est encore loin! On arrive dans 5 minutes, Clémentine. Qu'est-ce qu'on lui offre à mamie Monique? Un week-end à Venise, je crois. C'est Benoît qui s'en est occupé. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Ah ouais? Bah dis donc, c'est une bonne idée, ça. Elle est jamais allée à Venise, ta mère? Non, je crois pas. Tiens, tourne à gauche, c'est plus court. Hein. Tu sais, avec mon père, à part les week-ends du club de modélisme, à moins qu'il ait eu un projet de faire la Piazza Saint-Marco en allumettes, je crois pas qu'ils étaient à Venise. Ah, c'est sûr. Bon, enfin, sauf si tu sais pas tout et que mamie Monique s'est offert une escapade à Venise avec quelqu'un d'autre. Ah, oh, t'es con. Bon, attends, par définition, on ne sait pas toutes ses parents et surtout pas ce genre de petits secrets. Ça se trouve, mamie Monique s'est éclatée comme une folle avec, tiens, je sais pas, moi, comment il s'appelle, là, l'autre, là, le type à moustache, là, leur copain, là. C'est leur copain hyper gonflant, là, le lourd, là, qui ramène toujours sa fraise. Alors, ouais, alors. C'est là, n'importe quoi, Paul. Ma mère qui s'envoie en l'air avec Alain, on aura tout vu. Oh, bah, attends, c'est peut-être un chaud lapin, tu sais pas. Alain, un chaud lapin, alors là, ça m'étonnerait bien. Ça veut dire quoi, s'envoie en l'air? Bravo, Paul. Ça veut dire... C'est quand on est amoureux de quelqu'un. Non, ça veut dire surtout, c'est pas bien d'écouter les conversations des adultes. Voilà ce que ça veut ouais, dire. Ouais, voilà, exactement. Bon, dès que tu trouves une place, tu peux te garer. C'est vraiment pas loin, là. Alors, pourquoi tu dis que mamie Monique est amoureuse d'Alain? Il est gentil, Alain. J'ai pas dit ça, Clémentine. Mamie Monique s'en va en l'air. Mamie Monique s'en va en l'air. Anatole, arrête de chanter ça n'importe quoi. J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit que qu'est-ce que j'ai dit, Paul? Hein? Pourquoi Alain c'est un lapin, ça veut dire quoi? Oh là là là là, le déjeuner du dimanche en famille, là ça va être musclé, là je le sens. Alors maman? J'ai dit que... Paul, tu peux m'aider un peu là? On est juste à 2 minutes de l'impact. J'ai dit que Paul, t'as un plan de sauvetage? À part le suicide, non, je vois rien là. Bon ok, laisse tomber, c'est mort, on peut pas y aller là. Je vais appeler Benoît, on annule. Benoît, ah bah bonne chance. T'as une autre solution? Avec tes conneries de raconter n'importe quoi devant les gosses? Anatole, Clémentine, vous vous taisez là. Bah, sors de la voiture là pour l'appeler parce que là. Allez. Ouais, super, hein, Paul. C'est blague de merde, merci. Ouais. Allô, Benoît, ça va? Ouais, allô, Brigitte. Ouais, ça va. Vous êtes encore loin, là? Parce que ça fait une heure qu'on vous attend et après, ça va être trop cuit. Oui, alors, non, justement, on va pas pouvoir venir. Parce comment ça, tu plaisantes? Vous nous posez un lapin? Oui, en quelque sorte. Enfin, en fait, on est tous hyper malades. On a mangé un truc pas frais hier. Et je me suis dit que je comprendrais que, tu vois, enfin, on n'a pas... Bon, bah, comme d'habitude, Benoît a fait un flan. Mais c'est moins pire que les gosses qui chantent en chœur « Mamie Monique s'envoie en l'air » au déjeuner en famille. Moralité de l'histoire, j'ai pas de sujet tabou avec mes enfants, mais avec mes parents, j'ai mes limites. C'était « La vie trépidante » de Brigitte Tornade, de Camille Colère, avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Elios Noël, Anna et Samuel Cajman, et la voix de Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric aussi.